Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Nyon-Wendisio, territoire non cédé, aussi appelé Québec, en compagnie de Mathilde Harvey-Morin à la console. Bonsoir Mathilde! Salut Christelle! Ça va bien? Oui, toi? Oui, oui, ça va très bien. Je suis très excitée pour l'émission de ce soir. Du gros contenu! Alors, est-ce que t'es game de résumer le planning pour l'émission de ce soir, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Ben oui, donc on commence ce soir un peu à initier la manif d'or, évidemment, qui a commencé la semaine passée. Manif d'or 11, ben, je pense que c'est la 11e année. Oui, 11e édition. Oui, donc moi, j'ai été capable d'aller visiter l'espace central à l'espace 400e. Ouais. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit résumé de ce que j'ai vu, ma petite discussion aussi avec la commissaire et mes coups de cœur d'œuvres que j'ai vus là-bas. Ah, j'ai très hâte d'entendre ça. Sinon, on continue avec toi qui a une entrevue avec... Florencia Cesare. Exact. Encore un peu sur le même thème de la manif d'art, mais là, c'est avec jeune commissaire. Oui. Et ça se passe... C'est une exposition, dans le fond, qui s'appelle... Si je m'en rappelle bien, je ne sais plus comment ça s'appelle. « Et si seulement c'était évident ». Et c'est situé à la bibliothèque Aliette Marchand, dans Vanier. Ah, c'est ça. OK, oui, c'est vrai. Parfait. Et sinon, on a un invité aussi qui vient discuter de le Mars de la maîtrise bientôt. C'est un étudiant à la maîtrise qui s'appelle Jonathan Contat-Demers qui vient nous parler de différents événements pour fêter le Mars de la maîtrise. Et c'est... Est-ce qu'il y avait peut-être autre chose? On a une surprise en fin d'émission. En fait, on a une intervention performative surprise de l'artiste François Rioux qui vient nous parler de la faculté de dénégation du petit rien tout nu qui s'installe à Québec en fin de semaine. Super, ça! On termine, on poursuit l'émission avec la sélection audio qui a été effectuée par Simon Roy, fidèle mélomane ici à CKRL, qui nous propose toujours de découvrir des choses intéressantes. Cette fois, c'est un band qui s'appelle Church Chords, dont le dernier album s'intitule Elvis, He Was a Schlager, ou un Schlager. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a écouté quelques pistes et puis on a très hâte de vous en faire entendre. La première chanson s'intitule Sweet Magnet. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, en compagnie de Mathilde Harvey-Morin, ma co-animatrice, metteur en ondes et puis spécialiste mise en ondes médias sociaux, j'allais dire les plateformes et tout ça. On n'a pas maîtrisé encore tout à fait comment héberger la version balado de l'émission, mais ça s'en vient, on travaille toutes les deux là-dessus. Ça s'en vient. Mathilde, tu as eu le bonheur de visiter, lors de la visite de presse, l'exposition principale de la Biennale d'art de Québec, Manif d'art, la 11e édition à l'espace 400. Et puis, tu as eu la générosité de vouloir revenir sur ton expérience et nous parler de comment ça s'est déroulé, la visite de presse, quelles ont été les informations que tu as pu glaner et que tu as envie de nous raconter. Mm-hmm. Ben oui. C'est actuellement ma première visite en tant que presse médiatique comme ça. J'ai trouvé ça tellement trippant. Mais oui, ça a été une expérience très intéressante de pouvoir visiter l'exposition plus centrale avec la commissaire Marie Miracchioli. Oui. Miracchioli? Miracchioli, ouais. Miracchioli, qui est aussi critique d'art, auteure, enseignante et commissaire indépendante. Elle vit actuellement à Paris et elle vient pour diriger la programmation avec nous ici pour la manif d'art. Ouais. Elle a fait la sélection depuis l'étranger, mais je pense qu'elle a collaboré au cours de l'année avec la gang de manif pour sélectionner les artistes et puis monter le show principal et puis tout ce qui se passe à l'extérieur aussi du show principal. Mm-hmm. La thématique, les forces du sommeil aussi, c'est elle qui l'a élaboré, la cohabitation des vivants. Est-ce qu'elle vous en a parlé un peu? Oui, on a beaucoup pris du temps là-dessus. Moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup intriguée, cette thématique-là. Surtout, tu sais, on ressort du mois multi, que c'est super... éclectique, avec plein de trucs qui... pas qui explosent, mais genre, tu sais, c'est beaucoup... c'est multi, c'est vibrant, c'est vraiment énergétique. Puis après ça, après, on se retrouve dans l'hiver, dans le froid et tout ça. Donc, la Biennale, cette année, était très en mode... pas hibernation, mais plus de sommeil, on aurait dit. Dans le fond, les forces du sommeil s'intéressent à l'hiver canadien, en fait. Ça prend vraiment quelqu'un de français pour parler de l'hiver canadien. mettons que ça aurait pas été mon premier réflexe. J'aurais parlé d'hiver tout court. Mais d'un point de vue de l'Europe, de quelqu'un qui nous regarde depuis l'extérieur, elle voit l'hiver canadien. C'est drôle. Ouais. Mais elle a trouvé vraiment de l'inspiration dans l'idée, en fait, du ralentissement que l'hiver amène, cette espèce de suspension-là. Donc, je pense qu'on le ressent beaucoup, en fait, dans la sélection des œuvres aussi. C'est pas des grosses installations lourdes. Il y a de quoi d'un peu... Éthéré. Paisible, léger, tout ça. Mais quand même avec des thématiques qui peuvent venir chercher des choses plus politiques. J'ai vu beaucoup de choses sur l'environnement, justement, avec l'idée de l'hiver et tout ça. L'idée de... Justement, il y a de quoi de un peu... Je veux mettre des gros guillemets, mais un peu anticapitaliste avec l'idée de prendre le sommeil parce que, dans le fond, l'idée de dormir est un peu... contre-productif. Ouais, c'est ça. On s'est comme mis dans une espèce de horaire de productivité constante depuis le capitaliste et tout ça, tu sais. Donc, cette idée-là de laisser la place au sommeil, de faire un espèce de temps mort, il y a de quoi d'un peu anticapitaliste avec ça. Donc, il y a vraiment eu des branches d'idées là-dessus pour les œuvres... plus axé sur l'environnement et sur d'autres thématiques politiques. OK. Qui était quand même vraiment très à réfléchir. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie-là, honnêtement. Et sinon, dans l'exposition, il y a beaucoup de lieux de repos. Comme direct en rentrant, en fait, je peux parler direct d'une de mes œuvres coup de cœur parce que c'est direct la porte d'entrée. C'est l'installation de François Morelli, en fait, qui s'appelle « Le rythme circadien ». Circadien, oui. C'est une installation à l'entrée de l'exposition qui est directe. Tu vois des matelas, des chaises par terre pour prendre le temps de regarder des... je pense que c'est des impressions ou des dessins sur... C'est de la sérigraphie. Sérigraphie sur des tissus, des toiles, des draps. Ouais. Il utilise des blocs à imprimer. Mm-hmm. On pourrait peut-être plus parler d'impression comme on imprime le textile de façon traditionnelle, l'impression par bloc. Je ne pense pas qu'il utilise la soie avec la passe comme on le fait en sérigraphie. La première idée de la sérigraphie qui nous vient, j'ai vu un petit documentaire où on le voit travailler avec des blocs gravés. OK, oui. Et puis, il va passer ses couleurs sur les blocs et puis, imprimé par la pression du bloc sur le papier. C'est quand même impressionnant de voir ça en grand format. J'ai souvent vu des petites techniques de linogravure comme ça, de très délicat, mais l'idée de faire ça sur des grands draps comme ça qui sont accrochés sur le plafond. Ouais. Fait qu'on s'installe sur les différentes chaises ou les matelas pour apprécier un peu les installations puis les images, en fait. Contempler les œuvres dans cette posture-là, à l'horizontale ou en tout cas assis très près du sol, de façon très confortable, ça change complètement le rapport aux œuvres. Mm-hmm. Ça nous met vraiment dans une dynamique de contemplation. Et puis, on est entouré des grandes fenêtres, de l'espace d'accueil, de l'espace 400. Exact. C'est très beau, hein? Vraiment. Pour vrai, c'est quand même bien placé, ce petit espace-là. Et tu remarques aussi, dans le fond, qu'il y a plusieurs... un peu d'air de détente, comme pas vraiment de contemplation et de lenteur. Fait que tu ralentis un peu ton parcours un peu tout le temps. Oui. Donc, tu peux pas vraiment juste comme nion passer en courant, en regardant tout. Là. Faut vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir, bien regarder, vraiment être un peu dans ce moment-là. Par exemple, il y a aussi une autre petite installation qu'on a découvert dans notre parcours de Francis Alice. Mm-hmm. Yeah. Que ça fait, c'est installé un petit peu comme un salon. Oui. C'est un peu caché. C'est quand même intéressant à voir. Moi, la première fois que j'y ai passé, j'avais pas vu ça. Mais à un moment donné, ils ont installé une lumière qui mettait de l'emphase sur un cartel dans un petit corridor. Fait que là, tu traverses, puis là, il y a cette espèce de salon avec un vinyle qui joue tout le temps et un petit stop motion qui joue sur un petit écran. Fait qu'il y a aussi cette idée-là, un peu une espèce de petite œuvre cachée qui était quand même assez intéressante. Avec cette espèce de imitation de maison, de salon. Oui. Ouais. Et c'est un peu le genre d'activité de contemplation qu'on fait dans le silence le soir quand on n'arrive pas à dormir. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup rappelé des activités un peu très, très intimes. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde dort dans la maison? C'est vrai. Il y avait cette ambiance-là, je trouvais aussi. La musique est vraiment pas très, très forte. C'est vraiment un petit truc en loop sur un vinyle. Il y a cette... Ouais, il y a vraiment cette idée-là que c'est pas une... c'est plus une salle d'exposition rendue là. C'est vraiment dans ton salon, tamisé. Ouais. C'est, il est peut-être 9h ou il est peut-être 3h du matin, mais il est tard. Le temps file, Mathilde. Il nous reste seulement quelques minutes. Est-ce que tu voudrais cibler une ou deux œuvres dont tu voudrais vraiment nous parler? Ah oh, oui, oui, oui. Il y en a une vraiment que j'ai adorée, que on n'a pas pu regarder beaucoup parce que justement, il fallait la garder protégée. C'est des dessins de Evelyne Boulevard, en fait, qui s'appelle Les Carnets disparus. C'est une artiste qui vit et travaille à Québec. Elle a eu un baccalauréat à l'Université Laval. Et dans le fond, c'est des dessins de glaciers qui sont faits avec crayon photosensible. Pour ça, justement, qu'on ne pouvait pas le regarder très longtemps. Il fallait vraiment garder l'œuvre cachée le plus possible jusqu'à l'exposition. Parce pour pas qu'elle fonde. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle est sur glace. Mm-hmm. Wow! Ouais. Dans le fond, c'est des images de glaciers qui sont dessinées avec ce crayon-là. Donc, plus qu'elle va être, que c'est présenté dans la lumière, plus que le glacier s'efface. Et dans le fond, c'est plusieurs différents glaciers. Fait qu'elle en a fait une série, je pense que c'est une petite trentaine, d'un carnet. Et il y en a 5 qui étaient vraiment plus récents, qui paraissent vraiment beaucoup très bleus. Et il y en a que, avec le temps, tu vois qu'ils sont plus pâlettes, qui disparaissent petit peu par petit peu des détails. Fait que je sais pas si à la fin, c'est sûr que je vais revenir voir l'exposition pour voir si à la fin ces glaciers-là ont un peu disparu. Moi, je connais tes goûts et ta sensibilité artistique, Mathilde, puis ça parle tellement de ta démarche, de ton rapport au carnet, et puis des matériaux qui sont, qui peuvent paraître simples, mais qui en fait sont magiques. Exact. L'encre qui disparaît au fur et à mesure que la lumière la touche. Ouais. Comment qu'une œuvre d'art s'est affectée par son environnement puis la temporalité de la chose. Quelle belle! Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur, personnellement. Oui. Mais je te remercie de nous en avoir parlé. Ça va certainement donner envie à des gens de s'intéresser au travail d'Evelyne Boulevard. Elle a quelques œuvres aussi installées chez Chigar Art Contemporain. Oui, c'est vrai. Alors peut-être que ça sera une visite complémentaire à faire. Mm-hmm. Nous, on va en pause musicale. On écoute une nouvelle piste du band Church Chords qui s'appelle Recent Mineral. Et puis au retour de la pause musicale, on s'entretient avec Florencia Sosare à propos de son expo à la bibliothèque Aliette Marchand. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console, et vient de nous rejoindre en visioconférence Florencia Sosare. Bonsoir Florencia. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à l'émission. Merci de nous recevoir. Hey, ça fait tellement plaisir. J'ai eu la chance de te rencontrer dans un workshop de performance à Montréal tout récemment et j'avais aucune idée que je te recroiserais si rapidement dans ma vie de spectatrice amateur culturelle à Québec. Je ne savais pas que tu étais programmée dans le cadre de la Biennale. Je suis très heureuse d'avoir vu ton installation. Merci d'être allé la visiter. Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est très facile d'aller visiter l'expo parce que c'est dans Vanier, c'est pas très loin. Et puis, la bibliothèque Aliette Marchand, c'est une bibliothèque qui est très agréable. Moi, je n'avais jamais été là, mais je trouve que c'est vraiment un beau lieu. De toute façon, l'architecture est intéressante. Et puis, la salle tout en avant permet de vraiment mettre en valeur l'installation que tu as fait. Donc, j'étais agréablement surprise. C'est pas toujours facile dans les bibliothèques. Alors, Florencia, si on commençait par te présenter, est-ce que tu accepterais de nous parler de toi, de ta démarche? Comment tu te décrirais? Oui, bonjour. Alors, mon nom, c'est Florencia Sosare. Je suis artiste en art visuel et en performance. C'est comme ça que je nomme les pratiques d'abord. J'utilise majoritairement le dessin abstrait et la performance. Ensuite, ça se dérive en vidéo, en performance live. Des fois, j'utilise le textile, comme dans cette exposition-ci, c'est très rare. Puis, je fais aussi des collaborations. Je suis aussi interprète en mouvement pour certains projets. J'aime beaucoup cette multiplicité de pratiques. Il n'y a pas juste moi qui est leader de mes propres idées. J'aime bien embarquer dans les idées des autres. Puis sinon, ma pratique de dessin, elle est très, très intuitive et basée sur l'expérience émotionnelle des relations et de mon rapport à mes environnements, soit sociaux, soit les paysages, soit politiques. Puis c'est tout exprimé par des images très, très abstraites. En fait, elles sont très, très incarnées. Elles évoquent le textile, la fluidité, la légèreté, mais il y a plein de nœuds, il y a des tensions, il y a quelque chose de très biomorphique, c'est très corporel, on dirait presque des danseurs parfois. Puis je perçois chaque forme un peu comme des personnes. Puis j'essaie de transposer c'est quelque chose de très énergétique aussi. Ce qui vient d'une pratique de méditation, de conscience de moi aussi, de mes environnements, puis aussi je fais beaucoup de yoga. Ça sonne un peu ésotérique là, mais ça, il y a vraiment comme, j'ai vraiment des bons coachs qui amènent beaucoup à réfléchir à nos limites, puis à laisser de côté l'ego, mais vraiment ressentir, puis tout ça, ben j'essaie de l'appliquer dans mon quotidien. Puis ça, c'est dans la pratique de dessin. Puis après, ben tout ça, c'est aussi informé par mon héritage culturel. Mes parents, ils viennent de l'Argentine. Ils ont immigré ici en 1990, juste avant que je naisse. Puis le rapport à la double culture, puis à la distance avec ma famille, puis le rapport à la famille choisie, qui sont mes amis, est très, très important. Puis ça se reflète aussi dans certaines de mes œuvres. Parfois, j'ai fait du travail avec ma famille, d'autres fois, juste avec des gens. Puis voilà, je fais un peu comme... J'essaie de percevoir ma pratique de dessin comme étant vraiment expansive. Donc, je perçois aussi ma pratique en art-performance comme du dessin, comme une manière de dessiner des relations, ouais. Et ça, là, c'est pas très évident pour des gens qui sont peut-être à l'extérieur de ces deux pratiques-là, que sont le dessin ou l'art performance. Mais en fait, en te côtoyant puis en ayant vu l'installation de ton expo, j'ai vraiment compris à quel point ça peut être en fait les deux faces d'une même démarche, qu'il s'agissait de la même chose. Il y a vraiment quelque chose de symbiotique ou d'osmose en fait entre la façon dont ton corps mobilise les mouvements dans la composition de la performance et puis les formes, les traits, les volumes qu'on reconnaît sur tes dessins. En tout cas, moi, ça l'a éclairé. Ma compréhension de la rencontre de ces deux disciplines-là. Ah oui, c'est ça. Mais aussi parce que Christelle et moi, on s'est rencontrés dans un workshop de dessin et de performance qui semble être des pratiques totalement séparées. Puis on les a explorées d'une certaine manière, très, très expérimentale, exploratoire, party mode. C'était super, mais c'était le fun aussi de s'entendre parler parce qu'on venait tous à peu près... D'une démarche où on utilisait ces deux médiums, mais je trouve ça vraiment cool en fait que tu puisses en faire l'expérience de voir. Ouais, de voir toi comment tu intègres vraiment ces deux médiums-là de façon très, très intégrée en fait. J'aimerais ça aussi que tu parles de couleurs parce que j'ai été frappée, première chose dans l'espace, quand on arrive, bon, il y a ce grand morceau de textile-là qui est suspendu dans l'air et qui diffuse ces couleurs en légère transparence dans l'espace et on reconnaît tout de suite entre les dessins, le textile et la vidéo, ce rappel-là de cette suite de couleurs-là que tu mobilises, en fait, finalement, dans les trois médiums? Oui. Bonne question. J'ai pas encore totalement... Je trouve ça le fun aussi d'une pratique artistique parce que je comprends pas tout ce que je fais toujours. Puisque aussi, c'est très intuitif. Parfois, c'est quelque chose qui naît, qui est en moi depuis vraiment longtemps. Des fois, c'est super spontané ou impulsif. Puis là, le textile, en fait, m'est venu... L'utilisation des textiles comme ça, de cette manière-là, est venue pendant une résidence que j'ai faite en Gaspésie cet automne. Puis, je suis arrivée là-bas avec pratiquement rien. J'avais ma boîte à crayons, une grosse boîte avec plein de crayons, puis un petit peu de papier, ma caméra, mon trépied. Puis j'y vais un peu par accumulation, puis par observation, puis par le fait d'être là. Puis là, j'étais toute seule, puis j'avais besoin de m'entourer de quelque chose d'un petit peu plus chaud, puis de malléable. Puis je suis allée à la friperie qui était ouverte deux fois par semaine, puis j'ai commencé à ramasser des monochromes parce que je me suis dit, en fait, c'est comme ça que je travaille. T'sais, je travaille beaucoup en transparence, mais c'est jamais des patterns, c'est jamais ligné, floral... serpenté, whatever. C'est vraiment des monochromes. Puis pour moi, c'est clair que chaque couleur contient une expression. A vraiment une vibe énergétique. C'est très aussi synesthésique. Oui, oui, c'est une vibe vibratoire, en fait, nos yeux, toute la lumière. Oui, oui. Ouais, puis je voulais, ben j'aime beaucoup travailler ça dans les couleurs, puis de voir qu'est-ce qu'il y a comme synergie qui peut être amenée dans une image, dans les formes. Puis ben là, je voulais voir aussi comment je pouvais travailler la transparence, la lumière dans la physicalité. Donc j'ai aussi, c'est comme la première fois depuis très longtemps en fait que je travaille l'installation, puis le vrai textile en fait, parce que mon travail l'évoque mais l'utilise pas. Ah bon. Fait que c'est la première fois qu'il se matérialise dans l'espace, alors qu'avant, il était source-sujet, source d'inspiration. Oui, c'est ça. Ben, je viens d'une pratique de textile. J'ai étudié le textile à l'école, mais très vite, je m'en suis départie parce que ça ne m'intéressait pas tant les pratiques matérielles. C'est pas ça. Puis là, ça revient. Probablement aussi parce que j'ai de plus en plus d'opportunités d'exposition, donc j'ai des espaces à habiter. Puis j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire, en fait, comme de ces espaces-là pour rendre mes œuvres un peu plus expérientielles. Mmh. Ben là, ça marche, ton affaire. Puis là, ben, c'est ça, ben, les couleurs, je me disais, ben, monochrome, aussi de la transparence, il y a quelque chose de très domestique, mais aussi calmant pour moi. À la maison, j'ai rarement des patterns, c'est tout est comme clair. Puis ça m'aide à organiser mon regard en quelque part. Puis là, ben les agencements sont plus faciles aussi, sont plus aisés. Puis là, ben la transparence, je suis venue la travailler parce que ben ça rappelait mes dessins. Je me demandais comment on pouvait les recomposer. Puis en fait, j'ai accumulé ces textiles-là pendant que j'étais en Gaspésie. Puis à un certain moment, j'ai eu cette idée, cette envie, en fait, de m'envelopper dans tous ces tissus-là, puis d'aller dans l'eau. Surtout parce que j'étais seule. Il commençait à faire froid. J'étais pas vraiment entourée. Je sentais que j'avais besoin d'être en dialogue avec une communauté, mais aussi avec le paysage, qui était en quelque part très prenant, tellement beau, grandiose, mais impénétrable. Puisque aussi la majorité des espaces naturels sont privatisés. Puis là, ben, je me suis dit, ben, je vais y aller, tu sais, je vais sauter, je vais prendre tout mon matériel, puis mon courage à demain, je vais rentrer dans l'eau froide au mois de novembre. Puis, avec toutes ces couvertures-là. Donc, ça symbolisait que, le rapport à la communauté, à la conversation avec autrui, une forme de résistance, en fait, puis de tension là-dedans, il y a comme confort, inconfort. Puis aussi, ben, c'était en novembre, en Gaspésie, octobre-novembre, puis ben moi, j'étais seule isolée là-bas. J'étais probablement une des seules personnes racisées ou issues de l'immigration. Puis, il y avait tout ce conflit-là en Palestine dont personne parlait à ce moment-là. Puis, il y a tout un discours avec les frontières, puis la rivière. Puis à cet endroit-là, il y a la Gaspésie puis le Nouveau-Brunswick de l'autre côté de la rivière. Mais il y a pas de conflit inhérent, mais il y avait quelque chose du fait de traverser ou d'être en dialogue avec la rivière, avec cet espace-là qui pouvait être healing, en quelque part. J'avais envie de dialoguer avec tout ce qui se passait avec mon corps, avec ces tissus-là, puis voilà. Ça, c'est vraiment une histoire très riche, en fait. Je te remercie de la partager. C'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir accès au backstory, à ce qui a amené à cette œuvre-là, qui est très belle. La vidéo est vraiment touchante. La superposition est très délicate des images. On voit la rive un peu qui déborde, l'eau qui déborde dans la transparence des superpositions que tu as fait des images. Et c'est d'une grande beauté. C'est très apaisant. Merci. Florencia, c'est déjà le temps de se dire au revoir puisque le temps file extrêmement vite à la radio. Mais j'encourage tout le monde à aller voir ton installation et puis j'ai très hâte que nos chemins se recroisent. Je te remercie. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Nous, on se quitte en pause publicitaire cette fois et ensuite en pause musicale et on se retrouve au retour de la pause avec Jonathan Quentin-Demers qui vient nous parler de Mars de la maîtrise. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio avec Mathilde Harvey-Morin, superstar, superstar de la mise en onde. Et on est rejoint en studio par Jonathan Quentin-Demers. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est un plaisir d'être ici ce soir. Alors, Jonathan, tu me disais que tu étais président de l'association étudiante des étudiants à la maîtrise de l'Université Laval. Exactement, c'est ça. À la maîtrise en arts visuels, plus précisément. Ben oui, pardon, c'est pas pareil. Alors, l'École d'art de l'Université Laval offre à ses étudiants à la maîtrise un accès au roulement à billes, les ateliers, en fait, qu'ils offrent à leurs étudiants. J'imagine que tu t'es installé là avec tous les autres. Oui, tout à fait. C'est vraiment des beaux espaces. Là. Chacun a notre petit coin de paradis pour travailler sur nos affaires. C'est vraiment génial. Un très beau coin. Oui, je suis allée à votre soirée de visionnement de vidéos en fin de semaine. Oui. C'était très cool, très réussi. La vibe est bonne. Ça a l'air d'être une belle cohorte. Tout à fait, vraiment. Une belle gang, justement. On peut se permettre de faire des belles activités comme ça. Puis c'est ça. Merci d'être venu la semaine passée. Ben là, c'est un addon, mais ça m'a donné envie de parler davantage de ce qui se passe au roulement à billes. Et là, vous avez lancé les communications avant hier au sujet de Mars de la maîtrise, qui est une activité récurrente. Je pense que ça dure depuis des années. C'est on pourrait appeler ça un festival qui est organisé par les étudiants de la maîtrise à chaque année. Puis c'est ça, c'est les étudiants qui décident c'est quoi les activités qui vont avoir lieu durant le mois de mars. Puis c'est ça, cette année on a décidé de reconduire l'activité parce que c'est pas nécessairement obligatoire. Mais bien sûr que non, si vous faites ça bénévole. Exactement. Et puis c'est des activités qui sont majoritairement gratuites. Oui, c'est ça. Les entrées sont toujours gratuites. Sur place, là, on va peut-être vendre de l'alcool, par exemple, mais les entrées sont gratuites. Tout le monde est bienvenu. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vous offrir des espaces pour vous exprimer ou pour recevoir des invités. C'est quoi qui vous mène, en fait, là-dedans? Ben, c'est exactement ces deux choses-là, en fait. en premier lieu, c'est de pouvoir avoir un espace, profiter du roulement à billes pour partager nos travaux, nos avancements durant la maîtrise, puis aussi de rencontrer les gens, parce que c'est ça être artiste aussi, hein, c'est produire des œuvres, c'est partager les œuvres et ensuite être à la rencontre des spectateurs, des spectatrices pour parler du travail puis faire évoluer le monde de l'art, tout le monde ensemble. Vraiment créer communauté aussi. Oui, c'est ça, exact. OK. Alors, comment ça va se passer, Mars de la maîtrise, dans cette édition-ci? Oui, donc cette année, on a choisi le fameux 29 février pour débuter. Donc, c'est une journée qu'on a juste aux 4 ans, donc profitez-en, venez nous voir. Donc, c'est ça, on commence avec un lancement festif, une soirée de performance. Donc, on a plusieurs artistes qui vont présenter des performances durant la soirée. On va avoir plus tard dans le mois de mars... le 14 mars, plus précisément, ce qu'on a appelé le Doux Club. Donc, une soirée tout en douceur, échange créatif, artisanat, bricolage, collage, apportez votre art. Okay. Donc, tout le monde, on amène un peu de matériel, on travaille ensemble, on s'amuse. Puis, on va aussi avoir cette soirée-là un petit micro ouvert poétique. Si des gens ont des choses à exprimer durant la soirée, c'est vrai, ça va être... ambiance moins festif, plus safe space à ce moment-là. Mais c'est super comme proposition, ça. Oui, mais c'est ça. On essaie d'avoir une variété d'ambiances différentes, attirer des gens différents, vraiment créer différentes communautés. C'est bon, ça. Et donc, jeudi soir, là, tu dis... soirée de performance, j'ai vu la liste des performeurs, t'es le premier sur la liste, donc tu te commets toi aussi à l'exercice. Oui, en effet, je participe dans toutes les sphères des activités. Stressé, est-ce que t'es prêt? Oui, toujours stressé, mais c'est du bon stress qui donne du jus créatif. Très hâte de voir ça. Il y a aussi Raphaël Bittard, Mathieu Pellapierre, Joanne David Molina, Antoine Paradis, un préféré ici, une préférée, Maxime Sauvage. Donc, on va être là, c'est sûr qu'on va aller voir la soirée de perf. C'est à 19h, ouverture des portes, mais sinon, début des performances vers 20h, c'est oui, ça? Oui, ça va être ça. Bar qui permet de s'abreuver. Oui, tout à fait. C'est l'aspect festif de la soirée. Ça va être pris en charge. Ben voilà, je pense que tout est dit. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un shout-out, des plugs à faire, un salut à faire? Je vous invite surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là que toutes les informations vont être diffusées. sur Facebook, Le Roulement à Billes, sur Instagram, RAB, rab.atelier. C'est là qu'on va diffuser toutes les informations. Mais voilà. Merci à toute mon équipe. Ben oui, bravo, bravo, bravo aux étudiants à la maîtrise. On se voit jeudi soir aux ateliers du Roulement à Billes. Nous, on fait une courte pause musicale et on revient avec des invités surprises qui viennent nous parler de la faculté de dénégation du petit rien tout nu qui s'installe à Québec en fin de semaine. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro dans les studios de CKRL, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console. Mais surtout, viennent me rejoindre en studio François Rioux. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, merci à vous autres de l'invitation. Je suis tellement choyée, ça me fait un extrême plaisir d'être là. Bon, alors c'est une grande surprise pour nous parce qu'on n'avait même pas prévu parler de la faculté de dénégation du petit rien tout nu ce soir à l'émission, mais là, on ne pouvait pas passer à côté de la chance d'avoir cette plug-là. Absolument, mais je suis content de l'entendre. Ben, en effet, on ne peut pas passer à côté de ça. Je pense que c'est un immanquable ce week-end à Québec. Bon, alors, ça s'installe à Québec, cette faculté-là. Oui. C'est où? Au coin de, à côté du salon d'Edgar, le 6-5-1 Saint-Vallier, quelque chose de même. Mais c'est sûrement bon. Ou 2-5-1, en tout cas, à côté du salon d'Edgar, puis pas loin de la cuisine. Pas loin de la cuisine. Sur Saint-Vallier. Sur Saint-Vallier. En face de l'école d'art de l'Université Laval. Absolument, on est en face, en face ou dans le derrière, là, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu en face du stationnement aussi, ouais, mais. Fait qu'on est peut-être derrière la faculté. C'est relatif. On est dans le derrière de la faculté. C'est relatif, là, le devant, le derrière d'une bâtisse de 360 degrés, mais oui, on est là. OK. Alors, les gens vont pouvoir reconnaître la faculté parce que c'est l'ancienne Galerie A. Oui, c'est ça. Fait que c'est facile de repérer. Oui. Oui. Puis dans le fond, ben c'est un tout nouveau magasin qui s'ouvre juste pour ce week-end. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est que on écoule les échantillons de designers qu'on a sous la main. Dans le fond, on a mis la main sur un paquet d'échantillons de petits trucs et tout ça. Puis on a fait des aussi des études d'affaires. Puis on a fait des trucs avec notre branding, la faculté aussi. Et là, c'est le temps d'écouler les stocks et les invendus. Puis là, on est là juste ce week-end à Québec. Fait que c'est pour ça que c'est comme un peu spécial. Là, c'est très, très spécial. On ferme boutique, là, tu sais. Lundi, on remballe, là, tu sais. Okay. Fait que c'est juste ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Pop-up shop. Les gens sont invités à venir dépenser quelques cents ou juste venir nous, tu sais, voir ce qu'on a. Puis, tu sais, ça peut être juste voir aussi. Jamais. C'est, ouais. Venir sentir. Tu sais, lèche vitrine, tu te promènes, tu rentres, tu sais pas trop. Fait que, faut pas avoir peur de rentrer. Faut pas avoir peur de rentrer puis de venir voir qu'est-ce qui se passe. Puis, OK. Alors, toi, François, moi, j'ai regardé un petit peu ta biographie. Je me suis intéressée à la faculté des négations du petit rien tout nu. Et puis, je me suis dit, mais qui est François? Puis, j'ai vu que tu es un artiste visuel. Oui, évidemment. C'est pas la première fois que tu ouvres des commerces comme ça de façon spontanée. Non. Ben, commerce, peut-être. Peut-être oui, une première dans le commercial. Parce que j'avais ouvert le centre d'interprétation du vent. Oui, pour un week-end à Bécomo, il y a de cela quelques années, en 2015. Et ça avait été aussi tout un ben vous connaissez les centres d'interprétation en général là, c'est oui. on prend un peu par la main les gens pour leur expliquer leur faire tout un cursus didactique pour en apprendre sur un élément spécifique. Donc là c'était le centre d'interprétation du vent où les gens étaient invités à interpréter le courant d'air de leur choix avec un formulaire de médiation culturelle. Bon, ça a dû faire fureur, ça. Ah, écoute, c'était full house. C'était full house. Ouais, il a fallu... d'ailleurs, je m'en fais toujours reparler. Là, ah oui, tu te fais demander l'interprétation du vent. Ouais. Bon, mais là, tu as changé d'idée. C'est la dénégation du petit rien tout nu. Absolument. Donc, les gens sont invités à venir... venir voir c'est quoi, interpréter ça, puis comme... participer d'une sorte, ou pas, ou voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le comment on peut dénier le petit rien tout nu. Un petit rien qui en plus est tout nu. Exact. Bon, alors, pour les gens intéressés, oui, c'est vendredi. OK, fait que vendredi, on est ouvert de 13h à 21h, puis samedi, dimanche, 11h à 17h. J'ai vu une belle nouvelle enseigne qui a été installée sur leur façade. Ah oui, on est tellement... C'est impossible de manquer là, la place. Là. Non, ben en fait, faut juste marcher peut-être du côté nord du trottoir de Saint-Vallier, puis on va voir tout de suite l'enseigne. Mais c'est vrai qu'en passant devant la vitrine, c'est impossible de manquer. Là. T'sais, si tu tires une ligne vers le salon d'Edgar, et non pas se tirer une ligne au salon d'Edgar... Je sais pas si on a le droit de dire ça en radio. C'est la radio communautaire. Bref, si tu sais, tu devrais passer devant. Puis okay. tu vas le voir. OK, un petit rien tout nu, une superbe enseigne, des super échantillons, des petits riens. À liquider. À liquider. On est ouvert à toutes les offres. Ah, on prend toutes? Oh, je te dis, on est marchandable là, au bout. OK. Bon, ben moi, je suis engagée. J'ai été embauchée par la faculté, fait que je vais être là toute la fin de semaine. OK, merci beaucoup, François. Oh, hey, ben merci. C'est tellement chaleureux. Je vous adore. Merci. Vous autres aussi, on t'adore. Ben, à ce week-end. Oh, oui, à ce week-end. Ah oui, à ce week-end. Venez nous voir. On va en pause musicale. Au retour de la pause musicale, on fait l'agenda de la semaine. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro avec Mathilde Harvey-Morin à la console. C'est le moment de l'agenda de la semaine. Il y a seulement quelques activités qu'on va cibler ce soir parce que c'est manif d'art. Il y a des expos partout. Les centres d'artistes ont verni la semaine passée tous de nouvelles expositions. C'est pas compliqué de se trouver quelque chose à faire à Québec en fin de semaine. Sauf que, il y a certains événements qu'on va pointer quand même. D'abord, jeudi 17h30, il y a une conférence avec Véronique Grenier qui est organisée dans le cadre de la Biennale de Québec de manif d'art. Ça a lieu à Méduse, dans les bureaux de Manif, et c'est organisé avec la chaire de philosophie dans le monde actuel de l'Université Laval. Véronique Grenier, c'est une auteure qui est aussi une enseignante, mais surtout une auteure qui a publié Les Fatigues ordinaires, un petit recueil d'essais très, très, très charmant. Je vous encourage à aller écouter, discuter à Véronique Grenier lors de cette conférence gratuite offerte dans le cadre de Manif d'art. Ensuite, on avait parlé, bon, bien sûr, du lancement du Mars de la maîtrise, toujours jeudi, mais cette fois 19h, soirée de perf au RAB, Ateliers du roulement à billes. Aussi, vendredi, ce que j'aimerais mettre de l'avant, c'est la réouverture de la bibliothèque Gabriel Roy, qui réouvre le 1er mars et qui va vernir avec animation, spectacle et performance toute la journée les deux œuvres d'art public qui ont été installées lors de la construction et la rénovation de la bibliothèque Gabriel Roy. Deux superbes œuvres d'art public vraiment à aller voir. Enfin, le dernier événement que j'aimerais cibler pour cette semaine, c'est la projection au cinéma Beaumont de Ma Saigon, un film qui est un long métrage de Koa Lee, qui a été un réalisateur d'origine vietnamienne, mais qui vit aussi au Québec, pardon. Mai Sagon est une lettre d'amour, une ode à la fois lumineuse et mélancolique à une mère troublante et rassurante. C'est un film magnifique que je vous encourage à aller voir au cinéma Beaumont ce vendredi à 19h. Il y a toujours des billets qui sont disponibles. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'aérospatiale. On remercie particulièrement nos invités. D'abord, Florencia Sosaré, avec qui on a un super entretien au sujet de son exposition à la bibliothèque Aliette Marchand. Ensuite, on a parlé à Jonathan, qui est venu nous parler du mois de mars de la maîtrise. Et finalement, François Rioux, artiste, performeur et maintenant commerçant, qui s'installe à Québec pour la fin de semaine. Je remercie aussi Mathilde Harvey-Morin pour tout le travail à la console et à la mise en onde. L'émission sera disponible sur le WordPress de l'aérospatiale. Vous pouvez trouver le lien via les médias sociaux. On vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine.